Esdras chapitre 10. Et comme Esdras priait, et faisait cette confession, pleurant, et étant prosterné en terre devant la maison de Dieu, une fort grande multitude d'hommes, et de femmes et d'enfants, de ceux d'Israël, s'assembla vers lui, et le peuple pleura abondamment. Alors s'échangea, fils de Jéiel, d'entre les enfants d'Élam, prit la parole, et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu, en ce que nous avons pris des femmes étrangères d'entre les peuples de ce pays, mais maintenant il y a espérance pour Israël en ceci. C'est pourquoi traitons maintenant cette alliance avec notre Dieu, que nous ferons sortir toutes les femmes, et tout ce qui est né d'elles, selon le conseil du Seigneur, et de ce qui tremble au commandement de notre Dieu, et qu'il en soit fait selon la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde, et nous serons avec toi, prends donc courage, et agis. » Alors Esdras se leva, et fit jurer les principaux des sacrificateurs, des Lévites, et de tout Israël, qu'ils feraient selon cette parole, et ils jurèrent. Puis Esdras se leva de devant la maison de Dieu, et s'en alla dans la chambre de Johanan, fils d'Éliasib, et y entra, et il ne mangea point de pain, ni ne but point d'eau, parce qu'il menait deuil à cause du péché de ceux de la captivité. Alors on publia dans le pays de Juda et dans Jérusalem, à tous ceux qui étaient retournés de la captivité, qu'ils eussent à s'assembler à Jérusalem, et que quiconque ne s'y rendrait pas dans 3 jours, selon l'avis des principaux et des anciens, tout son bien serait mis à l'interdit, et que pour lui, il serait séparé de l'assemblée de ceux de la captivité. Ainsi tous ceux de Juda et de Benjamin, s'assemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours, ce qui fut au 9e mois, le 20e jour du mois, et tout le peuple se tint devant la place de la maison de Dieu, tremblant pour ce sujet, et à cause des pluies. Puis Esdras le sacrificateur se leva, et leur dit, « Vous avez péché en ce que vous avez pris chez vous des femmes étrangères, de sorte que vous avez augmenté le crime d'Israël. Mais maintenant faites confession de votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté, et séparez-vous des peuples du pays, et des femmes étrangères. » Et toute l'assemblée répondit, et dit à haute voix, « C'est notre devoir de faire ce que tu as dit. Mais le peuple est grand, et ce temps est fort pluvieux, c'est pourquoi il n'y a pas moyen de demeurer dehors, et cette affaire n'est pas d'un jour, ni de deux, car nous sommes beaucoup de gens qui avons péché en cela. Que tous les principaux d'entre nous comparaissent donc devant toute l'assemblée, et que tous ceux qui sont dans nos villes, et qui ont pris chez eux des femmes étrangères, viennent en certain temps, et que les anciens de chaque ville et ses juges soient avec eux, jusqu'à ce que nous détournions de nous l'ardeur de la colère de notre Dieu, et que ceci soit achevé. » Et Jonathan, fils d'Azaël, et Jaséja, fils de Tigba, furent établis pour cette affaire, et Mésulam et Sabétaï, Lévites, les aidèrent. Et ceux qui étaient retournés de la captivité, en firent d'eux-mêmes, tellement qu'on choisit Esdras le sacrificateur, et ceux qui étaient les chefs des pères, selon les maisons de leurs pères, tous nommés par leur nom, qui commencèrent leur séance le 1er jour du 10e mois, pour s'informer du fait. Et le 1er jour du 1er mois, ils eurent fini avec tous ceux qui avaient pris chez eux des femmes étrangères. Or, quant aux fils des sacrificateurs, qui avaient pris chez eux des femmes étrangères, il se trouva, d'entre les enfants de Jésua, fils de Jéotsada, et de ses frères, Maaséja, Éliézé, Jarib et Guédalia, qui donnèrent les mains à renvoyer leurs femmes, et avouant qu'ils étaient coupables, ils offrirent pour leur délit un bélier du troupeau. Des enfants d'Imé, Anani et Zébadja, et des enfants de Harim, Maaséja, Eli, Semaja, Sheyel, et Uzija, et des enfants de Passur, Elioénaï, Maaséja, Ismaël, Nathanaël, Josaba et Elaza, et des Lévites, Josaba, Simi, Kelaja, qui est le même que Kelita, Pétaja, Juda, et Eliézé, et des chantres, Eliasib, et des portiers, Salom, Télem et Uri, et de ceux d'Israël, des enfants de Paro, Ranja, Jizija, Malkija, Mijamin, Elazar, Malkija et Benaja, et des enfants d'Élam, Matanja, Zachari, Jéiel, Abdi, Jérémothéli, et des enfants de Zatu, Elioénaï, Eliasib, Matania, Jérémoth, Zaba et Aziza, et des enfants de Bébaï, Johanan, Ananja, Zabaï et Atlaï, et des enfants de Bani, Mesulam, Maluch, Adaja, Jazub, Seal et Ramoth. Et des enfants de Pahat Moab, Adna, Kelal, Benaja, Maazéja, Matanja, Betsaleel, Binui et Manassé. Et des enfants de Harim, Eliézé, Jizija, Malkija, Semaja, Siméon, Benjamin, Maluch et Semarja. Et des enfants de Hazom, Matenaï, Matata, Zaba, Eliphelé, Jérémaï, Manassé et Simi. Et des enfants de Bani, Maadaï, Enram, Yoel, Benaja, Bedeja, Kalu, Vanja, Meremoth, Eliazib, Matanja, Matenaï, Jaazaï, Bani, Binui, Simi, Selemja, Nathan, Adaja, Makna de Baï, Sazaï, Saraï, Azareel, Selanja, Semarja, Salom, Amarja, et Joseph. Et des enfants de Nebo, Jeiel, Matidja, Zaba, Zébina, Jadan, Joël et Benaja. Tous ceux-là avaient pris des femmes étrangères, et il y avait quelques-uns d'entre eux, qui avaient eu des enfants de ces femmes-là.